بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة السابعة عشر بعد المئة: الإيمان ببعض ما أنزل دون بعض. Donc il y a la 117e مسألة qu'ils ont la foi en une partie de ce qui est descendu et pas en une autre. C'est-à-dire ils croient en certaines choses et ils en délaissent d'autres. وهذا نظير مسألة المئة التاسعة بعد المئة والتاسعة وأربعين. سلمك المسألة صنف إكرهت نفكيته كف ببعض آيات الله. qui est la mécréant, le fait que lui croit en une partie de ce qui est descendu, en une partie des versets et qui mécroit une partie de ce qui est descendu sur les messagers. هذا نظيرها فلهذا إن شاء الله نمشي عليها. فلا إن شاء الله c'est la même. Donc pour pas qu'il y ait encore de répétition, إن شاء الله الذي يريد أن يفهمها يرجع إلى ما قد ذكرنا سابقا. ce qui veut la comprendre يرتون دروس يعني précédent إن شاء الله. ثم قال المسألة الثامنة عشرة بعد المئة: الإيمان ببعض الرسل دون بعض. donc maintenant qui est la 118e مسألة qui est la foi en certains messagers et pas en d'autres. elle ressemble à l'autre مسألة. elle ressemble c'est هذا من نفس يعني قبيل. C'est le même genre de mas'ala. فَقَالَ فِي الْمَتْنِ رَحْمَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اَتَفْلِقُ بَيْنَ الرُّسُلِ Qu'il différencie entre les messagers. Qu'il sépare entre les messagers. قَالَ فِي شَرْحَ حَفِظَ اللَّهُ تَعَلَىٰ يعني الشيخ الفوزد اَتَفْلِقُ بِنَ الرُّسُلِ بِالْإِمَانِ بِبَعْضِهِمْ وَالْكُفْرُ بِالْبَعْضِ الْآخَرِ مِنْ صِفَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّة. Donc le fait de séparer, de diviser entre les messagers certains par rapport à d'autres, et de mécroire en certains et de croire en d'autres, cela est parti et parmi les attributs des gens du livre, particulièrement. C'est eux qui font cela. Amal wasaniyun wal mushrikun fa la yu'minuna bi rusul aslan bal yakfuruna bi rusul jami'an. Quant aux idolâtres, aux mushrikun, eux, à la base, ils croient pas aux messagers. Aslan. Taïb aslan, ils y croient pas. Donc, il y a même pas lieu de qu'ils soient évoqués dans cette masala. Là, c'est surtout les gens du livre, ceux qui croient aux kutub, car les kutub sont venus par les messagers. أما اليهود فإنهم كفروا بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. donc les يهود ils ont mécru en عيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ils ont mécru en محمد كذلك صلى الله عليه وسلم. والنصارى كفروا بمحمد. et les نصارى ils ont mécru en محمد. ils croient en tous ceux qui sont avant et ne croient pas en celui qui vient par la suite pour pouvoir rester sur la milla. Donc celui qui mécroit en un a mécru en tous, car les messagers sont venus sur une seule et même voie, pour un seul et même appel, d'un seul et même Seigneur, pour une seule et même croyance, pour un seul et même message. Wahum ikhwa, ils sont frères. فَمَنْ كَفَرَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ جَمِيعًا. Donc la hujja que le messager apporte, celui qui mécroit, c'est comme si nous croyons dans la hujja qu'un autre messager va apporter. Et les messagers sont annoncés les uns les autres. Donc si jamais demain tu m'écrois en un messager qui doit arriver, c'est que tu m'écrois au messager en qui tu crois qui t'a annoncé que ce messager-là allait venir. Donc ça revient à démentir celui-là également. Comme quand le Ta'ala قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. dites nous avons cru en Allah et ce qui est descendu sur nous et ce qui est descendu sur Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et les tribus et ce qui a été donné à Moussa et à Isa et ce qui a été donné aux prophètes. Nous ne différencions pas entre eux, hein, entre aucun d'entre eux, et nous sommes soumis yani Allah subhanahu wa ta'ala. وذكرك تعالى في كتابه إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. que ceux qui ont mécru en Allah et en son messager, qui ont divisé en Allah et en son messager, qui disent nous croyons en Allah en certains messagers pas en d'autres, et veulent prendre cela un chemin intermédiaire, ceux-là sont vraiment les mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Adil aya wadiha. Comme qu'a dit Allah, Oulaika humul kafiruna haqqa. Ceux-là sont les croyants, les mécréants purement. Ceux-là sont les vrais mécréants. Qui ont divisé entre Allah et ses messagers et qui ont divisé entre les messagers entre eux. Donc on n'a pas à différencier entre eux. Et que tous les messagers également qui sont descendus sur eux pour la révélation, c'est Jibril, alayhi salat wa salam. Et la croix, la foi aux messagers, هذا ركن من أركان الإيمان. C'est un rukn parmi les arkan de l'iman, les six, qui sont l'iman billah, wa bi malaikatihi, wa bi kutubihi, wa rusulihi, wa l'yom al-akhir, wa bil qadar khayli wa sharrihi. Hein, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et de croire au qadar, qu'il soit bon ou mauvais. Parce que celui qui veut croire en un seul messager, quand même, aura fait tomber ce pilier de la foi, donc, si elle tombe, la foi en elle-même n'est plus valide. وقال تعالى كذبت نوح كذبت قوم نوح المرسلين que le peuple de Nour ont démenti les messagers. Tamam, combien de messagers sont venus à Nour? Un seul, et il était le premier jour de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est venu avec le pluriel al-mursalin pour dire qu'en démentant Nour, ils ont démenti tous les autres. كذبت عاد المرسلين. Combien de messagers sont venus à Ad? Un seul. Pareil, ils ont démenti tous les messagers. كذبت ثمود المرسلين. Que Thamoud, ils ont démenti les envoyés. Pareil. Combien de messagers sont venus à Thamoud? Un seul. Donc en rejetant un seul, tu le rejettes tous. Fahada. Donc Hada min sifat al-jahiliya qui mécroit en certains messagers, pas en d'autres. Et qui croit en d'autres, par afin. Et ça, c'est chez les gens du livre. Qala. Al-mas'ala al-tasi'at ashar ba'd al-mi'a. Al-mahajja. فيما ليس لهم به علم. Qu'ils débattent dans ce dont ils n'ont pas de science et qu'ils prennent argument ce dont ils n'ont pas de science. Ils prennent des choses comme argument et ces choses, ils n'en ont pas de science. D'accord, allez. في المتن رحمه الله تعالى مخاصمتهم فيما ليس لهم بعلم. Donc comme il dit, qu'ils viennent débattre et s'opposent les uns aux autres par des choses dans lesquelles ils n'ont pas de science. Qui viennent argumenter et qui viennent repousser le kalam de l'autre par des choses qu'ils ignorent. فقال رحمه الله حفظه الله تعالى أي أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس لهم بعلم. هذا هو. الرجال الجاهلية ديبات. Ils font des polémiques dans des choses dont ils n'ont pas de science. فقال والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم. أما من لا يعلمه فإنه يسكت عنه. قال تعالى طيب بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. Donc ils ont démenti ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire ils ont démenti des choses qu'ils ignorent, alors que la réalité ne leur est pas encore venue. Une chose leur est venue, ils ne la connaissent pas, ils l'ont rejetée. Et souvent c'est connu. Man jahala shay jahada. Celui qui ignore une chose, souvent il la combat, il en a peur. Ça c'est ma'alouf. Faqal, hada yatadamman nahiyatayn. Là, ça regroupe deux angles. Cette mas'ala. Le fait de rejeter et de parler dans ce qu'ils ne connaissent pas, sous deux points. Al-oula, an al-insan, la yadkhul, fima la ya'lam, wa la yunkir, ma la ya'lam. Bal yakul, Allahu a'lam. Wa lihada yakul, yakulullahu l-nabihi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa kul, rabbi, zidni, ilma. Donc le premier, c'est que la personne n'entre pas dans ce qu'elle ne connaît pas. Adij, alashi muhmjiddan. Wasani, qui ne rejette pas ce qu'il ne connaît pas. Une chose, tu l'ignores, tu ne la connais pas, tu ne l'as pas étudiée, ou tu n'en as jamais entendu parler ou quoi, ne la rejette pas directement sans savoir. Mais il dit Allahu a'lam. Allah est plus savant. C'est pour cela que Allah dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, dans le sens où il dit, et il dit, Seigneur, ajoute-moi de la science. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, demande de la science plus. Et il est le plus savant des hommes. Allah itlaq. Donc il dit, فَلِنْسَانْ لَيَدَّيَنَوْ أَحَاطَ بِالْعِلْمِ بَلْ يَتَكَاثَرْ وَيَعْلِفْ قَدْرَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ فَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَقُولْ وَفُوقِ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعِلْمِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc il dit, la personne ne prétend pas qu'il a acquis beaucoup de science, mais plutôt qu'il voit la vraie valeur de sa personne, qu'il sache qu'il est faible, et que même s'il avait beaucoup de science, c'est-à-dire à son échelle, qu'il n'oublie pas que ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas révélé et ne lui a pas enseigné est bien plus que ce qu'il connaît. C'est pour cela qu'à dans le sens où il dit, et au-dessus de chaque savant, il y a plus savant que lui. C'est-à-dire que cette science-là, elle finit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier point. De ne pas rentrer dans ce qu'il ne connaît pas, et de ne pas rejeter ce qu'il ne connaît pas. والناحية الثانية الدوزيام أنه لا ينكر الشيء الذي يعلمه غيره فإن كان عند غيرك علم خفي عليك فلا تنكر ما عند غيرك. Donc il dit deuxième chose, ne rejette pas ce que les autres ils ont comme science, comme savoir. Voyez, si quelqu'un a une chose qui t'a échappé à toi, ne la rejette pas du fait que toi tu ne la connais pas. فقال فما أحد من البشر أعطى أعطي العلم كله فلهذا يقول العلماء هذه العبارة التي يكررونها دائما من حفظ حجة على من لم يحفظ. Donc il dit, il n'y a aucun être humain qui reçoit toute la science. C'est-à-dire, il y a plein qui connaît tout. C'est pour ça qu'il dit, les savants ils disent bien, une expression qui est très connue, c'est une grande règle qui dit que celui qui a eu un argument, celui qui a mémorisé, qui a connu, est un argument celui qui ne l'a pas fait. C'est-à-dire celui qui a connu une chose, c'est lui qui l'a connu, c'est lui l'argument par rapport à ceux qui ne connaissent pas. Donc celui qui a connu une chose, qui en parle en premier, et qui l'a vécu, qui l'a affronté, qui l'a connu, c'est lui qui est plus savant de la chose. Donc on n'a pas à revenir autre que lui dans cette mas'ala, à la base. Son qawl, si jamais c'est une personne qui est à la base reconnue et considérée, c'est son qawl qui est mu'tabar en premier lieu. Donc c'est pas demain il y a un savant, il connaît une chose, masala s'est passé chez lui, les gens vont courir à l'autre bout du monde pour demander à l'autre savant qu'est-ce qu'il en est. Ça, chez les salafs, ça n'existe pas, ça. Quand un imam, un savant d'une mantika, d'une région, connaissait quelqu'un parmi les rapporteurs de hadith ou les hadikas, il parlait sur lui, on n'allait pas aller voir à l'autre bout du monde pour savoir qu'est-ce que pense l'imam de l'autre côté. Ça, tu demandes à celui qui connaît. C'est marlouf. C'est chez lui que ça se passe. Donc, quand quelqu'un vient avec une chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas connue, que tu n'as pas vue, tu ne la rejettes pas. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ سَلَمْ لَيْسَ الْخَبَارَ كَالْمُعَيَّنَ. Celui qui a entendu de loin, qui est informé, n'est pas comme celui qui a vu la chose de ses propres yeux, qui a témoigné. Comme l'histoire, fameuse histoire que vous connaissez de Moussa alayhi salam. À quel moment est-ce que Moussa alayhi salam a lâché les tablettes que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélées? À quel moment Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit فَإِنَّكَدْ فَتَنَّكَ وَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَضَلَّ مُوسَى مِرِي. Il a dit quoi? Nous avons certes éprouvé ton peuple et Samiri, il les a égarés après toi. Moussa alayhi salam, à ce moment-là, il est retourné vers son peuple. Il était en colère d'entendre cela. Mais c'est lorsqu'il a vu Al-Ijl, lorsqu'il a vu le veau et son peuple en train de s'adonner à ce veau, c'est là que les tablettes qu'il avait, il les a lâchées. Et qu'il s'est mis vraiment encore en colère. Pourquoi là, il a vraiment vu la chose de ses yeux. Ça, c'est un mec qui est connu. On l'a déjà cité en différents doulous, alhamdoulilah. Que celui qui a vu la chose, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus marquante que celui qui l'entend de loin. Et des fois, les gens entendent des khabars de loin, ils ne ressentent pas. Celui qui a vécu, qui a vu la chose, lui, il ressent, il sait ce qui se passe. Donc, tant que ça reste une personne de confiance à la base, on doit prendre ce qu'il rapporte. Et quand on ne sait pas, on reste prudent et on ne s'immisce pas dans ce qu'on ne connaît pas. On rentre dedans, on veut régler, on veut arranger. À la base, on se dit, toi, tu n'étais pas là, tu n'as pas connu. Donc, ne rentre pas dans ce que tu ne connais pas, il se peut que tu fasses plus de mal que de bien. sans même te rendre compte. Ah, et là, j'aimerais donner une faïda prise de Iqtira Sirat al-Mustaqim de Cheikh al-Islam, avec un talek de Cheikh al-Famine dessus, qui est lié à cette mas'ala. Le khurasa que Cheikh al-Islam dit, c'est que la communauté, beaucoup de khilafs qui ont eu lieu dans la Ummah, c'est que les deux côtés opposants avaient chacun des arguments qui étaient valables. Mais le problème, ce n'est pas là, c'est lorsqu'ils ont commencé à rejeter les arguments des autres. En fait, c'est là que les problèmes sont arrivés. C'est pour ça que le Cheikh Al-Famin dit bien. قال هذا صحيح لأن الإحاطة بالإثبات سهلة يمكن للإنسان معرفتها يمكن للإنسان معرفتها بالتتبع ولكن بالنفي ما يتمكن من أن يتتبع العلماء من أولهم لآخرهم ليعرف أن هذا لم يقله أحد ولهذا كان النفي صعبا جدا ويجب أن ينتبه الإنسان لهذا الشيء ولا يتعجل في قول ما قال به أحد أو مثل هذا لأنه قد يخطي كثيرا. Donc il dit cela, c'est-à-dire la parole de Cheikh Al-Famine, de Cheikh l'Islam Taïmiyyah, elle est vraie. Pourquoi? Car le fait de connaître une chose qui a été affirmée, c'est connu. C'est facile. Ce qui a été affirmé, c'est facile de le connaître. Mais ce qui est plus dur, c'est de connaître ce qui n'a pas été affirmé. Et cela, tu ne peux le savoir comment? Qu'en recherchant, en enquêtant. Et qu'il n'était pas possible de connaître les paroles des savants du premier au dernier. C'est pour cela que, lorsque quelqu'un dit, par exemple, sur une mas'ala, un qawl, il dit, personne n'a jamais dit cela. Ça, c'est très très dur à affirmer. De prétendre que personne n'a jamais dit cela. Prétendre que le Jumhur, ils ont dit, la plupart des savants, ils l'ont dit, que Cheikh Foulani l'a dit, ça c'est facile. Mais dire, personne n'a jamais dit cela auparavant, c'est un qawl. Kaza et kaza, ça n'existe pas. Ou plutôt, c'est extrêmement difficile. Donc il dit, la personne doit faire très attention à ça. Il ne se précipite pas à dire, ma qala bihi ahadun, que personne n'a jamais dit cette parole-là. Qu'il ne se précipite pas à s'avancer à dire cela. Car c'est là que justement tombent les erreurs. Les gens, ils viennent, ils ont des divergences, et ils disent, qu'est-ce que tu dis là? Personne n'a jamais dit avant ça, cette parole-là c'est une bida, ou cette parole-là elle contredit le ménage salaf, cette parole-là est kaza et kaza. Et après tu viens vers lui, tu dis, bien, tiens, regarde, Cheikh Foulani l'a dit. Comment tu le sens à ce moment-là? Si Allah ne te wafak pas, si Allah c'est pas là que te wafak, tu te prends d'orgueil et tu rejettes ce que tu t'apportes. Pourquoi? Parce que tu t'es avancé. Tu t'es avancé par fougue et par Hamas. Celui qui est prudent, qui habite à Anni, il fait attention à ce qu'il dit. Car comme ça, si demain quelqu'un lui apporte la vérité, il n'est pas à l'accepter. Alhamdoulilah. Le but, c'est d'arriver à la vérité. Mais étant là, leur but, c'est pas la vérité. Leur but, c'est qu'ils ont un cause derrière. Ils ont une chose. Ou te faire tomber, ou te discréditer, ou te s'en prendre à toi, ou se venger de toi, ou je ne sais quoi. Donc, tu viens avec un calem, quand même, qui n'a jamais entendu de sa vie, et qui, en apparence, contredit les choses qu'il connaît. Mais il ne connaît pas tout. Et il te dit, c'est quoi cette parole que tu es en train de raconter? Et là, il te fait une critique pas possible, il te fait un rod et il te salit chez les gens, il met en garde contre toi. Et un jour, tu viens le voir, tu dis, Yahri, regarde. Foulen a dit telle chose. Tel chien a dit telle chose. Et donc, t'as fait le tel verset, le Alim Foulani a dit telle et telle chose. Donc, qu'est-ce que tu dis maintenant? Et quand bien même ce call serait faux, toi, tu t'es permis de dire que personne ne l'a jamais dit. Donc, ce call-là, il a été dit par d'autres personnes. Quand bien même il serait faux. Alors, que dire que si le call il est vrai, ou même s'il n'est pas vrai, il a un wajj, mortabar. C'est pas un égarement, c'est pas une parole d'égarement, c'est une parole, à la base, elle a un côté véridique qui existe. Tu fais comment à ce moment-là? Donc, fais attention lorsqu'il y a un débat avec des gens, que ton but c'est d'avoir la vérité, pas de t'en prendre à ton adversaire. Et si jamais t'as pas des arguments qui te démontrent que telle chose existe et kaza, tu dois l'accepter. Mais t'en as, c'est pas ça qu'ils veulent. Malheureusement, c'est pour cela que beaucoup de khilafs qui amènent à la division viennent de ce kabil, de ce côté-là. Rejeter ce qu'il y a chez l'autre que tu ne connaissais pas. Que l'autre a su une chose que tu n'as pas connue, toi tu pensais que tu connaissais la chose. Eh ben, il t'a montré que tu ne connaissais pas la chose et qu'il y avait d'autres angles qui étaient présents dans le sujet. Comment il a fait Moussa alayhi salam lorsqu'il a dit, des personnes qui sont plus avant que lui. Allah subhanahu wa ta'ala a repris, il a dit, s'il y a quelqu'un d'autre qui a de la science que tu n'as pas. C'était le Khadir. Il a dit quoi, Moussa? Il a dit, je veux rencontrer cet homme. Il est parti le voir pour apprendre cette science qu'il n'avait pas. Hada wal adab al nabawi. Le comportement prophétique. Donc ça, c'est un truc sur lequel on doit faire très attention. T'as même? Que si quelqu'un, il y a un khilaf, et que quelqu'un te montre que ce qu'il a dit, il dit une chose, dis-lui, en premier lieu, où as-tu pris cette parole-là? Alors, avant de juger, on dit, ouais, ce que tu as dit là, c'est une parole d'égarement, c'est une parole de bid'a, c'est une parole de kouf, c'est une parole de je ne sais pas quoi. Dis-lui, qui a dit cela avant toi? Déjà, s'il a un salaf, c'est déjà un tarfif. T'as même? Mais les salafs, pareil, tu peux trouver un alim chez les salafs qui a dit un call qui n'était pas vrai. Et qui a été rendu comme erreur par les autres ulama. C'est clair. Mais faut pas faire comme si la personne est arrivée avec une parole que personne n'a dit avant lui, qui est le premier à avoir innové. Faut lui demander qui a dit ça avant toi. Après, voir ceux qui ont dit cela avant lui, sur quoi ils se basent, c'est quoi leur adillah? Car beaucoup de masa'il khilafiyah, c'est ça. Tu vas voir un hadith, le hadith en apparence te paraît clair. Et pourtant, tu vas voir qu'il y a une grande divergence dedans. Et les autres ulama, ils ont d'autres interprétations du hadith qui amènent à ce que le jugement soit différent chez eux. Donc attention à ce blabla. Naam. Thumma nukmil bil mas'ala al-ishrun ba'd al-mi'a ou bil mas'ala al-ishrin ba'd al-mi'a qui est la 120e mas'ala. Il dit tanakudhuhum fi ittiba'ihim li ghayrihim. Donc là, c'est une masala qui ressemble à ceux qui sont déjà passés également, qui sont contradictoires dans le fait, dans leur suivi. Ils prétendent suivre et s'apparentent à des choses, et ils les contredisent. قَالَ دَعْوَاهُمْ اِتِّبَعَ السَّلَفِ مَا تَسْرِيرْ بِمُخَالَفَتِهِمْ. Qu'ils prétendent suivre les salafs, alors qu'ils sont clairement à leur opposé. Ils s'opposent à eux. طيب. الآن الشيخ بيكسبيكي قال عامة اليهود والنصارى وأهل الضلال من المنتصبين للإسلام كلهم يدعون أنهم يتبعون من سبقهم من المؤمنين قبلهم. Donc les يهود, les نصارى et les gens de l'islam aujourd'hui tous prétendent qu'ils suivent leurs prédécesseurs. Les يهود prétendent qu'ils suivent Moussa عليه السلام et son peuple. Les نصارى prétendent suivre Isa عليه السلام et son peuple, c'est-à-dire ceux qui ont cru en lui. Et les gens de l'égarement aujourd'hui en islam disent la même chose. أنهم يتبعون السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأن ما هم عليه ومذهب السلف. Donc regardez bien, les gens de l'égarement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils prétendent également non suivre les salafs de cette communauté, parmi les sahaba, parmi les tabi'in, parmi les atba' tabi'in, car c'est cela le message des salafs, c'est-à-dire que dans leur langue ils le reconnaissent. ثم قال وليس كل من ادعى انه على مذهب السلف او على منهج السلف او على منهج السلف تكون دعواهم صحيحه حتى يعرض ما عنده من على المنهج السلف الصالح فان طابق فهو على منهج السلف الصالح وان خالف فانه ليس على منهج السلف ولكنهم ليسوا على منهج السلف لانهم لا ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ضابط مذهب السلف من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Donc il dit, c'est pas toute personne qui prétend suivre le mazhab de salaf qui est forcément dessus, que sa prétention elle est authentique. Mais on expose ce qu'il a, ses actes, sa croyance, son comportement, sa compréhension, à celle des salafs. Si jamais elle s'applique et coordonne, il en fait partie. Et si elle s'y oppose, quand même, et qu'elle transgresse, c'est qu'il n'en fait pas partie. Quand même. Pourquoi? Car il faut que ce qu'il prétend se coordonne avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui a bien expliqué c'est quoi le manzaf des salafs. Il a dit quoi? Ce sur quoi je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. C'est ça. Donc celui qui est cette chose-là, alhamdoulilah, il en fait partie. Et celui qui s'oppose à cela n'en fait pas partie. On lui démontre, il accepte, il revient. On lui démontre, il perdit, il perdure, il persiste. Le jugement s'établit sur lui. Qu'il est un égaré innovateur. Et ici, t'as pareil. Donc, il dit, أما من خالف هذا فإنه ليس على منهج السلف. وندع ذلك العبارة ليست بالدعوة وإنما العبارة بالحقيقة فالذين يدعون السلفية كثير، لكن لا بد من عرض ما هم عليه على منهج السلف الصالح، فإن طابق فهذا حق، وإن خالف فإنهم ليس على منهج السلف الصالح. Donc là, il revient à ce qu'il a dit, que celui qui s'oppose à ce manège n'en fait pas partie. Donc il a dit, ce qu'il y a à prendre en considération, c'est pas les prétentions, car tout le monde te dit « je suis salafi, je suis salafi, je suis salafi ». Beaucoup te le disent, du moins. Nous, on regarde pas ce que tu prétends, on regarde comment tu agis, on regarde ta croyance, on regarde tes actes, ta compréhension. Si jamais ça coordonne, alors tu es salafi. Sur le manège, c'est salaf salih. Sinon, c'est que tu n'en fais pas partie. Et il dit pareil, ceux qui s'apparentent aux quatre mazahib, des aïmé arba'a, des quatre imams, ils disent, je suis shafiri, je suis hanbali, je suis maliki, je suis hanafi, ou al-zalika. On dit, ta prétention, on regarde pas ta prétention que tu dis hanafi, on regarde, est-ce que maintenant ce que tu fais, ta croyance coordonne avec celle d'imam Ahmed. Car ce mazhab, hanbali, ou maliki, ou al-zalika, c'est pas seulement dans le fiqh. C'est pas fiqhri fakat. C'est irtiqa a dit. Quelqu'un qui vient, qui, masalan, fait du ta'wil dans les asma wa sifat, et après dit shafiri, on dit non, tu es un menteur. L'imam shafiri ne faisait pas cela. Car les actes de ce fiqh ne découlent que d'une compréhension d'une aqida saine. Quelqu'un dit, moi, je fais la salat comme l'imam shafiri, mais j'ai la croyance de Abul Hassan al-Ash'ari. Voilà, asma wa sifat. On dit, bah, t'es pas shafiri, alors. Tu n'es pas Shafi'i alors. Même Shafi'i, sa croyance n'était pas celle de Abul Hassan Ash'ari avant qu'il ne fasse Tawbah, on précise. Car Abul Hassan, inshallah, les ulama ont dit qu'il a fait Tawbah avant de mourir. Donc le mazhab Ash'ari, sur quoi il était, il a délaissé. Aujourd'hui, les gens s'apparentent à lui toujours parce que c'est lui qui a développé ce mazhab. Mais par la suite, il a délaissé. Donc ce n'est pas toute personne qui prétend une chose qui en fait partie. Walhamdulillah. Donc les masalis qu'on a pris aujourd'hui, sauf qu'ils ont une croyance en une partie de ce qui est descendu et pas en une autre. Qu'ils croient en certains messagers et pas en d'autres. Qu'ils débattent parce qu'ils n'ont pas de science. Et qu'ils s'opposent, ils sont contradictoires dans leur suivi. Ils prétendent suivre des choses et s'y opposent. Naam. Adal kod naktafi wa nakul subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.